On a grandi, le cœur est froid, le gel teint de palabre. L'âge appréhende la suite, tu puterais moi la gueule plein de balafres. Descendre d'un étage pour s'entendre vivre et mater l'étalage. Descendre à l'hôpital, je la rentends me dire, mais gaffe, t'es pas là. Mon frère, ça paraît fou, à fond, à 200 le temps de s'emparer tout. S'enfonce au bord du gouffre, à 250 tout paraît flou. Hein. Dernier virage, au bord du drame, et même la piste déraille. Pas ceux qui partent, dis-moi qui parle, je te dirai qui c'est rare. J'ai pris le temps à faire tomber les masques, j'aime plus tellement de gens, j'ai fui le vent. J'ai trop compté les drames, arrache tes pansements. Se voit là-bas, tellement de la haine là qu'il est temps de la terre. En bas de la passe, loin de ta tête, hein, qu'il est bon de la perdre. Et qui t'attend, mon frère, la vie s'attend. Ah ouais, même si j'ai tort, là je claque la porte, plus de vis à 30 balais. Faut se verrer tout, j'ai tout fait pour le vider le bout. J'ai vrillé fou, là je vois tous, fils de pute, parle pas de nous. C'est le sac où les mots qu'on boxe en 400 le poisson part. En force on passe des 400 coups sans pas. Frère la sueur annonce les chiffres. L'ivresse amorce les chutes. Sur nos chutes qui fassent l'amour. Ici les vrais amours se déchirent. En fait on tourne les pages. Frère prends le flash ton haché d'un. Là j'ai tout fnar chez Dan. Je rappe à lâcher un chef d'œuf. Loin de nos yeux si loin de leur vie. D'ici les persinales meurent vite. J'prends soin de l'ami fan si la. Si la tasse il y a de Murphy. Wesh les fleurs ont fané. On s'évite quand le ciel change. Ok la rue les femmes on se méfie quand les sirènes chantent. L'amour est glissant principe et racine ancrée. J'ai que ma morale est du sang. Plus foncé pé racine on crève. Frère la famille c'est les valeurs. Le vécu la folie les fautes. Je vais mettre Rollin en voie l'herbe. J'rappe mon livret fuck. Tu sens la diff sur mon disque. J'rappe pas balou, j'parle pas chelou. J'ai fait sans rature, sans notice. J'arrive à pas de loup, parle pas de nous. Nos putains de vices divisent en paye. Un nombre codifié de moi, impossible d'y vivre en paix. Moi je rentre quand il fait noir, quand il fait de moi. Laisse tout mat, on se disperse et la distance laisse tout mal. Pas de resto, de la tristesse et de la tisse dans l'estomac. On vide des sprays, une dizaine en centre-ville. On file discret car les kistés se concentrent trop vite. Vive dans l'ombre, c'est casse-gueule, je nettoie ce qu'on étage, partage. Les dents longues, je suis casse-squelette, regarde ce que l'état se partage. Peu de gars sûr, faut du courage qu'on voit nos codes. Je te parle pas de bleu azur quand je te dis qu'on rame, qu'on voit nos codes. Qu'on teste, mais c'est plus si pisse quand les gars s'arment. Nouvelle dans ce précipice, qu'on se teste, qu'on se précipite dans les gars armes. Regarde ça. Des tas de blèmes, moi je vise à vivre juste un soir sans mes dures têtes vite d'un smic. Quand tu te vois vivre d'un smic jusqu'à 60, je m'en bats les frères. Pour moi c'est cri ou votre c'est loi. Je batte, je me plains mes frères. Pour moi c'est gris, pour d'autres c'est noir.